monde s'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 498. Est-ce qu'on ne serait pas proche de la 500e? Ben si, forcément. Donc, eh bien, on se prépare, c'est le 16 juin. Tiens, quand Marc reviendra, ce sera la saga des Fab Four, la 500e sur RIG. Et il va se passer quelque chose puisque on sera ensemble de 20h jusqu'à minuit. Ça va être génial, j'espère en tout cas. Bref, nous allons produire un album cette semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo Starr. Ringo Starr et ce fantastique album qui s'appelle Ringorama. On va écouter Never Without You. Il y aura également Eye to Eye. Il y aura Imagine Me There. Il y aura I Think Therefore I Rock and Roll. Elizabeth Rains, j'ai failli l'oublier. Et Tripping on My Own Tears. Il y aura également du Harrison, du McCartney, du Lennon et les Beatles. Pour George Harrison, ce sera Bangladesh en 1971, fin 71. Pour McCartney, ce sera Backseat of My Car sur Ram en 1971 aussi. On reste en 71 avec Give Me Some Truth de John Lennon sur l'album Imagine. Et pour les Beatles, on commencera par la version Escher Demo de Police and Pam. Et je vous réserve une petite surprise. Voilà. Pour le reste, on se retrouve dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Et vous êtes sur RIG 90.7. Ça y est, ça marche. La semaine dernière, c'était juste pas de bol. Et sur www.rigfm.fr. Bonne soirée à vous tous et toutes. Et dans quelques secondes, ça va être un hommage à George Harrison fait par Ringo Starr sur son album Ringorama. Never Without You. Jamais sans toi. Petit clin d'œil à son pote George Harrison. Bonne soirée à vous toutes et tous. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song, without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on, never without you. Here comes the sun, is about you. Here today, not alone with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. Played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side, and your song will play on without you, and this world won't forget about you. About you, you. And this world won't forget about you. Every part of you was in your song. C'est vrai que, comme le dit Marc en quittant l'établissement, car oui, Marc has left the building, eh bien, la guitare sonne comme aurait pu sonner la guitare de George Harrison sur ce titre-là, s'il avait pu le faire à temps. existe, vous le pensez bien, une version live sur l'album The Concert for Bangladesh, mais là j'avais envie de vous proposer la version studio. Il en manque encore des Beatles, il manque McCartney et John Lennon. Les voici à la suite, The Backseat of My Car en 71 et la même année, Give Me Some Truth. deux albums, Imagine et Ram, de 1971, fêtent allègrement leurs 50 ans sans avoir l'ombre du début d'une ride. On les entend avec un grand plaisir. On passe aux Beatles. Je vous réserve une petite surprise que vous allez apprécier, j'en suis certain. Voici Paul et Sam, mais en version acoustique, démo, comme vous voulez. Ce sont les Asher démo qui sont restés pirates pendant très longtemps et qui, à la sortie de l'album Abbey Road, la version 2018 pour les 50 ans plus ou moins, c'était 1969, donc c'était pour les 49 ans, donc ça devait être 2019, la version de... Ça m'étonnerait qu'ils les aient sortis pour les 49 ans. Donc la version de 2019, j'essaie de me rattraper comme je peux, eh bien, il est sorti ces Asher démos qui sont très intéressantes pour la plupart. Voici Paul et Sam, donc version de travail, si vous préférez. Well, you should see Paul and Sam. She's so good looking, but she looks like a man. Well, you should see it intact, just in the Paul and Sam back. Yes, you should see Paul and Sam. See Paul and Sam. Get a dose of her and Jack Woodson killed. Killer, killer when she says to the hilt. Well, it's a little upset, but she's a nice ass a bit. If you can say she was attractively built. Say she was attractively built. Deep all deep ham. So good looking, but she looks like a man. If you say it and try it, and then apology the bad. But if you see all deep ham. Deep all deep ham. Get a dose of it and Jack Woodson kill. Kill a tiller when she's dressed to the hill. But she's the kind of the girl that makes the news of the web. Yes, you could say she was attractively built. Oh. Don't a bit of Jack who can kill. Kill a tiller when she's dressed to the hill. C'est ça le problème avec John Lennon, il est pas sérieux jusqu'au bout, alors que Paul McCartney, il va jusqu'au bout, il fait tout ça bien, tout propre. Bon, allez, vous savez que Paul c'est mon préféré, bon, allez. On a écouté Ringo Starr, George Harrison, McCartney et Lennon, et les Beatles même, donc autant vous donner des consignes. Pour tout savoir sur les Beatles, il faut aller sur le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. And here we go. Ringo au rocker, montez le son à fond. Voici Eye to Eye sur RIG. Yeah! So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. I wonder why we gotta try to see eye to eye to eye. What's mine is yours, what's yours is mine. When we see eye to eye to yeah. said it don't come easy. That seems so long ago. Cet extrait de l'excellent album Ringo Rama, sorti en 2003. Je vous ai parlé d'une surprise, en tout cas d'un plaisir que je vous offre dans la saga des Fab Four, puisque on est en fin d'année, on va s'arrêter fin juin pour reprendre au mois de septembre. Et donc, pendant 20 et quelques minutes, je ne vais plus dire un mot parce qu'on ne peut rien dire là-dessus. Yeah. let her go. Sleeps in the park, shapes in the dark, trying to 10 bob note up his nose. Such a mean old man. Such a mean old man. His sister Pam works in a shop. She never stops. She's a go-getter. Takes him out to look at the Queen. Only place that he's ever been. Always shouts out something obscene. Such a dirty old man. Dirty old man. When you see polythene pants. Looking, but she looks like a man. Well, you should see her in black, dressed in a polythene bag. Yes, you should see polythene hat. Yeah, yeah, yeah. Get a dose of it in jack boots and kilts. She's killer dealer when she's dead to the ill. She's the kind of a girl that makes a news of the whale. Yes, you can say she was attractively built. Lullaby. Once there was a way. get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. C'est bien qu'il y a Her Majesty après, mais je trouve que ce monument devrait s'arrêter là. Certains ont dit que Her Majesty est là pour, quelque part, pour laisser entendre que McCartney n'a pas terminé. McCartney est encore là, peut-être. Ça a été rajouté, je vous le rappelle, que en principe, Her Majesty était incorporé dans le medley et non pas mis à la fin. Mais bon, c'est tellement bien. J'aurais envie d'écouter l'album en entier tout de suite, tout de suite. Alors que l'album de la semaine sur-RIG, parce que depuis le temps qu'on l'a pas dit, il faut le dire, c'est 90.7. C'est www.rigfm.fr et surtout, c'est la radio des Beatles le mercredi. On va bientôt fêter la 500e, ce sera dans deux mercredis d'ici là, le 16 juin. Et donc, je vous invite à en parler autour de vous, à trouver dans le groupe La Saga des Fab Four l'image de la 500e et de la partager sur vos murs. Merci, parlez-en, plus vous serez nombreux, plus nous ici à RIG, on sera contents. Peut-être même que la patronne va doubler mon salaire. Quand vous savez que je suis bénévole, comme ça vous savez tout. L'album de la semaine, c'est Ringorama et voici Imagine Me There sur RIG. the curtains move in breezes unexpected. Don't you worry, you will always be protected. Imagine me there. When you see the dancing shadows in the moonlight, you will always have my love to make it all right. The next room feels as far away as China. You can always know for sure my love will find you. Occupation. When I find myself in frantic situations, I la radio des Beatles. The been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. Je ne sais pas si je remettrai le jingle qui a précédé la chanson. Je l'ai créé exprès pour celle-ci, I Am The Walrus, pour faire période Beatles. J'ai accéléré ma voix au début. Et la deuxième partie, c'est la même chose que la première partie en voix normale, sauf que j'ai inversé tout, une voix à l'envers. Ça faisait Beatles, ça faisait années 60, c'était comme ça, pour rigoler. Et c'est pas terrible, je trouve. Bref, I'm the Walrus, bien sûr, en 1967, sur Magical Mystery Tour. Rien à dire sur cette chanson, sauf qu'elle est géniale et que c'est un grand, grand, grand John Lennon qui a composé ça. En 1984, un grand, grand, grand Paul McCartney nous fait une sorte de fils de Magical Mystery Tour, justement. Il crée un téléfilm dans lequel il y a un groupe qui se fait voler les bandes son de leur prochain album. Et l'histoire, ça va être de retrouver ces bandes-là. Et puis, on part dans le délire un petit peu psychédélique, etc. Puisque, quelquefois, l'histoire n'est pas du tout linéaire. Ça n'a pas marché du tout. Mais il reste que, en 1984, il reprend des chansons des Beatles et il reprend aussi des chansons de ses albums solo d'une manière différente. Et il en a créé d'autres, comme cet excellent Not Such a Bad Boy, enregistré en une seule prise avec tout le monde ensemble, s'il vous plaît, que je vous propose sur Give My Regards to Broad Street, Paul McCartney.

Sur l'album Abbey Road, il traverse avec, dans l'ordre ou dans le désordre, je me souviens plus, la tenue du gars qui fait l'enterrement, la tenue blanche qui est signe de mort dans un certain pays, la tenue noire au contraire. Paul McCartney tient une cigarette de la main droite. On sait tous qu'il est gaucher, donc c'est un mensonge. Bon, Paul McCartney est toujours vivant parce que sinon, la copie, qu'est-ce qu'elle est douée. And one, two, three. Help me, Captain, help me. L'album de la semaine, Elizabeth Reigns, Ringorama sur RG. Sincèrement, oui, sincèrement, cette chanson aurait pu figurer parmi dans un album des Beatles, justement, vers fin 69, début 70, allez, parce que c'est du style Beatles, hein, c'est vraiment très très bien. Elizabeth Reigns sur Ringorama en 2003. Nous arrivons à la cover, vous savez, la cover c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo, même si eux-mêmes, les quatre Fab Four, faisaient une cover déjà eux à l'origine. Du moment qu'ils la chantent et que quelqu'un d'autre, connu ou pas, la chante, c'est la cover de la saga. Eh bien, celle-ci m'a été proposée par un auditeur sur le groupe La Saga des Fab Four. Je ne connaissais pas. Il s'appelle Chris Cornell, pas l'auditeur qui me l'a proposé, mais le chanteur. Et sur l'album No One Sings Like You Anymore, volume 1, sorti en 2020, il fait une reprise extrêmement bonne de Watching the Wheels de John Lennon. La voici, cette reprise. Vous direz ce que vous voulez. Bien sûr, je préfère la version originale de John Lennon, mais celle-ci tient le coup. Elle est plutôt très, très, très sympa. Allez, la chanson suivante, c'est un coup de pouce à un débutant. Il est tout jeune, il a 20 ans. Le 23 juin, Eric vous proposera le 20e anniversaire de Johnny de A à Z. Pour l'occasion, je lui céderai mon émission. Donc, le Johnny de A à Z commencera à 20h jusqu'à minuit passé. Rappelez-vous, le mercredi 23 juin, c'est les 20 ans de Johnny de A à Z sur RG 90.7, la radio de Johnny. Bon anniversaire, Johnny de A à Z. Didn't encounter until you become one with you. Everywhere you look is lovely. If love is what you choose to see, nothing's hard as you can make it. It's as easy as one, two, three. Here's my philosophy. And he said, to be or not to be, I don't care. The question is, are you alive out there? It don't take brains, just heart and soul. I think, therefore, I rock and roll. I met the most amazing woman. She means all the world to me. In her eyes I saw our future. She opened my mind to see. She's my serenity. And she said, to be or not to be, I don't care. The question is, are you alive out there? It don't take brains, just heart and soul. I think, therefore, I rock and roll. Somewhere, sometime, just look inside. Il fait du rock'n'roll Ringo Starr en 2003 sur son album Ringorama, tout simplement. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga des papas. Paul McCartney, Paul McCartney, Paul McCartney, dans la saga des papas.

eyes, I only had to open my mind. Seize the day, seize the day, seize the day, seize the day, seize the day. I don't care to be mad, I prefer to think twice. Quite sure, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold days come. Après Paul McCartney sur l'album 3, sorti l'année dernière, voici John Lennon en 1984, album posthume forcément, et ce titre, Forgive Me, My Little Flower Princess. 2023. Retrouver pour la dernière fois l'album de la semaine, l'album Ringorama sorti en 2003. Je vous dis aussi que vous allez entendre dans une vingtaine de minutes et un peu plus Johnny de A à Z par Eric. Et n'oubliez pas que le 23 juin, ce sera ses 20 ans. Pas vraiment à Eric, mais les 20 ans de Johnny de A à Z. Alors pour ses 20 ans, je lui céderai l'horaire de la saga. Donc il y aura Johnny de A à Z de 20h jusqu'à minuit. You can't laugh, you know, what's the problem? Ringo Starr, Tripping on My Own Tears sur RG. Disappeared. You can't help crying when you love something so dear. tambourine. Aucune pause puisque Eric sera bientôt là avec Johnny de A à Z. Encore John Lennon avec ce titre Rock and Roll People sur la région. Anyway, your head is mad. I can see your shiny shoes. Don't play the Virgin Mary. We all know it. et ses potes. a encore le temps d'en caser une dernière. Ringo Starr, English Garden. I want you to see all of the flowers. We'll shoot the breeze for hours and hours. Buttercups grow high as the towers. What do I see? I beg your pardon. Barbara and me in our English garden. Barbara, Buster and me in our English garden. And you too, Monty. Sur cet album, Eric va me le permettre parce qu'on est presque à l'heure, il y a un morceau caché dans lequel Ringo joue de la batterie, ça on s'y attend, de la basse, on s'y attend moins, du piano, il fait les chœurs et la voix principale. Ce morceau commence dans quelques secondes, le voici, écoutez, c'est plutôt sympa. Ringo, partout, il est tout seul là. Comme d'habitude, merci à tous et surtout à toutes. Et écoutez Eric dans quelques instants avec Johnny de A à Z. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit très très bientôt. N'oubliez pas la 500e de la saga, c'est quasiment demain, quasiment.